Yo, cette toune-là, ouais, cette toune-là, vous savez c'est quoi la violence envers les femmes? Grosse crise de merde. Elle doit obéir, elle porte son saphir, étouffée et laissée de continuer, fracassée. Mais y'a aucune marque, c'est là que je débarque. La violence est ignorante quand on la limite à l'apparence. Adhérence, apparence, je suis apeuré, oui apeuré. Quand les bleus sont invisibles, ce n'est pas moins horrible. Le cœur est hyper sensible, c'est juste inadmissible, incompréhensible. Le système judiciaire, bon pour la ramasser à petite cuillère. Quasiment une folie meurtrière, mais y'a pas de bleu sur le corps est intact. C'est nébuleux, imaginez l'impact. Une fée que l'a tué à petit feu, il est temps de lui faire ses adieux. Mais là, il tape dessus, encore dessus, à coup de dénigrement. Ce n'est pas un malentendu, c'est comme un arrangement. Elle doit obéir, elle porte son affaire. Au lieu de fuir, elle fait que son tonnerre, elle ne sait pas. Manipuler, enfirouapper, c'est un appât. Il est sympa, mais c'est juste un malfrat. Bon, débarras. Mais elle n'envisage pas qu'il porte un masque. Et à chaque fois, ça lui revient en face. Elle doit obéir, elle porte son saphir. Prince charmant, malfaisant, charlatan. Sur son destrier, il a pas fini de la manipuler. Fainéant. J'pense que si elle faisait le fond de son saphir, elle sentirait peut-être moins pire. Ouais, moins pire, ouais, moins pire. Je la sens étouffée. Elle porte son collier canassé. Elle est vraiment fatiguée. Épuisée, déguisée, poignée, dévalorisée, démoralisée, écrasée, étouffée, tuée, piégée.